Les 20 ans de Tatouju, c'est 22 et 23 novembre 2025, Parc Expo Saint-Etienne. Il est exactement 11h, on va situer quand même, hein, puisque nous sommes en direct sur les ondes de 90.9 Radio Ondaine, 89.5 Radio Dio, Firminy et Saint-Etienne, ici sur ce Tatouju, ce rendez-vous de la transition écologique qui fête ses 20 ans. Ouverture des portes depuis une heure maintenant ici sur ce Parc Expo. Le public commence à arriver sur site et sur place. Et on a ouvert les hostilités et festivités, même plutôt pour ces deux décennies de Tatou Juste, dès 10h avec Raphaël et l'équipe. Et puis cet extrait de Rob Hopkins autour de la transition et lors de sa venue jeudi au cinéma Méliès Saint-François. Et on ouvre là véritablement aussi les festivités radiophoniques avec notre première table ronde qui va vous être proposé durant environ l'heure à suivre. Il va être question d'environnement, de justice sociale, de résilience, avec cet intitulé, je le cite, « Co-construire de nouveaux modèles agricoles ». Nous avons trois invités pour brasser, si j'ose dire, ces thématiques. Vous pouvez vous emparer d'un micro, messieurs, puisque trois messieurs sont à la table ici au plateau. On retrouve Aurélien pour les Gueules d'Orge. Bonjour Aurélien. Bonjour. Qui est d'ailleurs un peu à l'initiative de cette table ronde, on va y revenir d'ici un instant. Aurélien Désert, un des cofondateurs de cette brasserie indépendante locale et stéphanoise. À ta gauche, les Jardins de Cocagne, Oasis plus précisément, c'est Rémi qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Rémi qui est, alors non pas cofondateur ou fondateur d'Oasis, qui existe maintenant depuis, bien aussi, 2001. Deux décennies passées là, 2001 effectivement, donc 24 ans d'existence pour Oasis et ce Jardin de Cocagne qui est installé non pas à Saint-Etienne mais pas très loin, en périphérie stéphanoise, du côté de Saint-Just-Saint-Rambert. Exactement. Et tu es animateur. Je suis encadrant pédagogique. Encadrant même plus précisément, un petit peu sur, la, ouais, sur l'intitulé et la fonction et la mission. Jardin de Cocagne, donc Oasis également. Et puis enfin, troisième invité ici au plateau, c'est Fred. Bonjour. Bonjour. Fred et la chocolaterie. Exactement. Un copain de Charlie. Oui, Edouard Wonka. Pardon. Edouard Wonka. Absolument. Alors qu'il est installé un peu plus en périphérie stéphanoise, même aux frontières du département, si j'ai bien saisi, puisque tu es sur le 6-9. Dans le Beaujolais, oui. Dans le Beaujolais. Et c'est Fred et la chocolaterie qui existe là aussi depuis quelques temps. Là, par contre, tu en es fondateur. Oui, exactement. On va évoquer tout cela. L'idée, je fais une sorte de pitch résumé de cette table ronde et donc de son intention. Je cite, « Gourmande, en terre, agricole, en eau, en énergie, la filière brassicole concentre à elle seule de nombreux enjeux de résilience à travers un modèle idéal. Comment faire émerger des alternatives, de nouveaux modèles vertueux, à la fois sur le plan social et environnemental ?» C'est donc un petit peu l'intention de cette rencontre et table ronde. Peut-être commencer par Aurélien, justement, parce qu'on évoque là la filière brassicole en référence. Et c'est parce que, pour revenir un petit peu sur la genèse aussi de cette rencontre et de proposition Tatou Juste, c'est parti justement aussi un petit peu d'une rencontre, discussion avec l'équipe Tatou Juste et les Gueules d'Orge. Et peut-être partager ici, non pas en off mais en on véritablement, eh bien les problématiques, enjeux que vous souhaitiez peut-être évoquer et aborder. Oui, c'est ça l'idée de cette table ronde, elle part d'une rencontre du coup avec les équipes de Tatou Juste. J'évoquais en fait la genèse du projet des Gueules d'Orge. Quand on a créé l'entreprise du coup avec mon associé, on voulait essayer de développer comme une espèce de laboratoire pour essayer de développer un modèle qui soit le plus résilient, le plus pertinent possible sur l'ensemble de la filière. Donc forcément ça suppose de d'abord créer la structure et puis ensuite d'identifier chaque point qui peut poser problème. Et je trouve que la filière brassicole, elle est assez emblématique puisqu'on utilise des surfaces agricoles pour faire de la bière, donc un produit qui n'est absolument pas nécessaire. On utilise du coup de l'eau, on va utiliser du carburant pour évidemment récolter du coup ces céréales et ces houblons, les transformer. Malter les céréales, ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie et ensuite on va juste faire de la bière avec. Et on s'est dit que c'était quand même un peu con, ne serait-ce que là-dessus, c'est-à-dire juste sur cette idée de on utilise de la surface agricole, on fait de la bière, les gens boivent de la bière et c'est tout. Comment est-ce qu'on fait pour penser un petit peu toute cette filière de manière à ce que ce soit la plus pertinente possible, la plus efficace, et surtout qu'elle soit en capacité, par ailleurs, de faire face aux enjeux du dérèglement climatique, quoi, qui pose énormément de problèmes, parce que nos matières premières sont d'abord agricoles, quoi. Donc qu'elle soit la plus sobre possible, quoi, surtout. Alors, la plus sobre possible ou, à défaut, la plus efficiente. C'est-à-dire qu'on produit de la bière, mais on produit aussi un déchet, mais qui est un déchet comestible. C'est les drèches, ce qui reste des céréales brassicoles, du coup, à l'issue du processus de brassage. Et aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de brasseries, ce sont des agriculteurs, des agricultrices qui viennent récupérer ces céréales pour nourrir des vaches, des cochons, des poules éventuellement. Enfin, ce qui est pas mal. Ça pourrait être pire, ça pourrait être juste jeté. Le compostage, c'est un peu compliqué parce que c'est une matière première qui est très acide, donc c'est toujours un peu délicat, il faut faire des assemblages un peu délicats. Mais cette matière première, elle est riche en protéines, elle est riche en fibres, et en fait on peut en faire plein de choses. On pourrait déjà par exemple la compacter sous forme de briquette pour faire un combustible qui servirait déjà à chauffer les cuves qu'on utilise en brassage, voire à chauffer les malteries. Les malteries utilisent énormément d'énergie pour sécher le malt et pour le torréfier. Ces briquettes de céréales pourraient déjà retourner en malterie ou directement dans la brasserie être utilisées comme combustible. On peut aussi les réduire sous forme de farine, par exemple, et faire de l'élevage de vers de farine pour produire de la protéine animale à très très faible coût environnemental et qui permettrait soit de nourrir des humains, soit du coup, pourquoi pas aussi, d'alimenter des animaux. Et on peut aussi utiliser cette matière première, ce déchet, comme substrat pour la culture de champignons, pleurotes, shiitake ou autres. Et là déjà, en fait, sur la même surface agricole initiale, qui a consommé de l'eau, du carburant et de la main d'œuvre, on peut déjà produire et de la bière, mais aussi du combustible, des fibres de qualité du coup avec des champignons, et pourquoi pas du combustible, ce qui permettrait d'aller encore plus loin. Mais en réalité, du coup, la filière, il faut la repenser de A à Z. De A à Z, parce que même sur la culture du houblon, plutôt que d'avoir de la monoculture intensive de houblon, est-ce que ce serait pas pertinent d'associer, pourquoi pas, des exploitations maraîchères ? Puisque ouais, le houblon, c'est une liane qui fait jusqu'à 8 mètres de long. Est-ce qu'on peut pas créer des ombrières, du coup, autour de cultures qui, elles, ont besoin d'ombre en été ? Enfin, il faut collectivement qu'on réussisse à travailler ensemble pour essayer d'avoir une filière qui soit la plus pertinente possible et la plus résiliente possible, quoi. Ouais, alors on entend et on comprend l'intention un petit peu générale et donc un petit peu votre façon d'avoir voulu et d'envisager en tout cas au moins l'activité. Une activité qui cependant est toute jeune parce que vous existez depuis 3 ans maintenant. C'est ça. Il me semble, c'est octobre 2022 que vous êtes mise en place. C'est ça. Donc c'est tout nouveau. Vous êtes sur le secteur Carnot. Oui. Vous êtes au 8 boulevard Albert Ier à Saint-Étienne. Alors, après 3 ans d'existence et déjà dans tout ce que tu as pu là évoquer, aborder, on sent le chantier déjà impressionnant et important et conséquent. Oui. Est-ce que vous avez véritablement, au-delà de la réflexion, aujourd'hui, au terme de 3 ans d'activité, réussi, je dirais, à mettre en place ce que là vous envisagez et ce que tu viens déjà d'évoquer ? Non, parce que en fait, je pense que c'est à la fois pas pertinent et très très compliqué de mettre ça en place au niveau individuel. En fait, c'est pas chaque entreprise du secteur qui peut mettre ça en place. Donc c'est systémique, tu veux dire ? Je pense qu'il faut vraiment réussir à ce que collectivement on développe les structures qui permettront de retraiter du coup ces déchets brassicoles. On est très nombreux et ça fait partie des projets du coup que j'essaie de, petit à petit, de porter au sein de l'association qu'on a créée. Quand je dis on, c'est pas nous les gueules d'orge, c'est collectivement que ça s'est créé. L'association des brasseries indépendantes de la Loire, la BIL. La BIL. Exactement, ouais. Et du coup l'idée c'est petit à petit d'essayer d'impliquer les différents acteurs et actrices de la BIL du coup pour qu'on puisse mettre en place des groupements d'intérêt économique dont la vocation serait déjà dans un premier temps de traiter ces déchets collectivement. Et pourquoi pas, dans un second temps, d'accompagner des exploitations maraîchères, de mettre en place des expérimentations pour de la culture de houblon bio local. Voilà. Donc ça, c'est l'objet aussi de cette mutualisation, finalement. C'est ça. Donc vous aviez déjà lancé aussi un événement, aussi, pour tenter aussi un peu d'informer, de sensibiliser, je me rappelle. Oui, le Loire Bière Festival, oui. Au mois de, je sais plus, février. Février, oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une sorte d'essor aussi, assez important et impressionnant aussi de brasseries indépendantes, locales. On voit des bières fleurir finalement un petit peu de partout, là. Enfin, des brasseries plutôt. Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui, là, quand tu parles aussi un petit peu là, de réseau et de tentative de fédérer, finalement. Ouais. Combien d'acteurs, là, finalement, actrices sont concernés, enfin, en tout cas, ou existent, je dirais même, là, sur le territoire. Alors, dans la Loire, nous, on est 15 à la BIL, du coup, à l'association, je crois, une quinzaine. Demain. Je crois que sur le territoire, on doit être, sur la Loire seule, on doit être 25 brasseries, je crois, de tailles différentes. Et après, en Auvergne-Rhône-Alpes, de toute façon, c'est la région la plus brassicole de France, dans le sens où c'est celle qui compte le plus de microbrasseries. En volume de production, on a plutôt le Nord et la Bretagne qui nous devancent largement, mais Mais en tout cas, c'est la région de France qui comporte le plus de brasseries artisanales. Donc il y a vraiment un enjeu qui peut se faire déjà au niveau local, au niveau de la Loire, puis ensuite au niveau régional. Je pense qu'il faut des pôles par territoire. Ça ne sert à rien d'avoir un gros pôle régional. D'accord. Est-ce que déjà, localement, il y a une envie commune ? C'est-à-dire que c'est bien beau de commencer à dresser, esquisser un petit peu ces propositions, mais est-ce que finalement, tout le monde est d'accord ? Est-ce que tout le monde a les moyens de suivre ? Enfin, voilà, c'est tout l'enjeu, en fait. En termes de faisabilité, oui. C'est tout l'enjeu. Voilà. Nous, on est tout jeunes, on vient d'arriver, on commence à l'évoquer, et maintenant, l'idée, ça va être d'embarquer avec nous tout le monde. Oui, absolument. Ok. Alors, on va développer un peu plus aussi largement au sein de la discussion. Mais alors, pour reprendre, on a compris la démarche un petit peu générale. Donc, il y a vraiment aussi un process, je dirais, assez engagé, militant au sein de votre bar, qui n'est pas qu'une brasserie, qui est aussi un lieu de vie, finalement, assez engagé, avec des expos, avec des événements culturels. Une démarche responsable ou éco-responsable. Vous travaillez avec le réemploi du verre rebouteille. Oui, bien sûr. Ouais. Vous travaillez en circuit court. Avec aussi, alors je pense à des structures qu'on a déjà aussi ici rencontrées, notamment sur Tatou Juste et sur nos plateaux, la Fourmilière, la Ferme au Quartier, donc des structures avec qui vous travaillez. Revenons à la production qui se veut ou est 100% bio. Tu confirmes, Aurélie ? Oui. Comment vous fonctionnez en termes d'approvisionnement ? Parce que là, tu évoquais, vous, l'activité de brasserie, mais on évoquait la question des ressources et de la production. Donc, justement, là, où est-ce que vous vous approvisionnez ? Comment vous fonctionnez avec ces, je dirais, cultivateurs, finalement, parce que c'est aussi l'idée de ne pas aller trop loin, donc c'est de rester en région. Il me semble qu'il y avait la Savoie et la Drôme en département un peu concernés pour vous approvisionner en ressources, en besoin de, je sais pas ce que c'est, houblon et... Enfin, céréales, quoi. C'est ça. C'est plus... Alors, nous, les céréales, du coup, elles sont cultivées exclusivement en Rhône-Alpes, du coup, et elles sont maltées en Savoie. Donc l'idée, encore une fois, c'est donc en 100% bio. Tu veux bien expliquer juste très rapidement, parce qu'on parle de céréales, malté, ça veut dire quoi, malté ? Oui, pardon. Très vite. C'est pour ça que je disais d'ailleurs que le maltage est extrêmement énergivore et consomme beaucoup d'eau. Le principe, c'est qu'on prend... En fait, c'est des graines germées. Donc on prend des céréales, on les fait tremper, on les fait germer, puis ensuite on va sécher la graine germée pour casser le germe, et on va ensuite plus ou moins torréfier la céréale une fois qu'elle a germé. Simplement, voilà. Et donc ça, les céréales sont cultivées en Rhône-Alpes, du coup. Et pour les houblons, typiquement, c'est là où on a un enjeu qui est compliqué. J'ai sollicité, moi, des houblonnières locales en bio et qui m'ont clairement répondu, je serais incapable de te fournir toute l'année. Je peux pas. En conventionnel, c'est possible. En bio, c'est pas possible. Il y a la brasserie Stéphanos qui a réussi, je trouve, un pari absolument formidable. Je crois qu'ils sont à 98% de houblons bio français. Alors, c'est majoritairement Alsace. Mais nous, quand on va voir les houblonniers alsaciens, ils rigolent parce que nous, on a besoin peut-être de 50 kilos de houblon par an. Dérisoire pour eux. Donc pour eux, ça n'a absolument aucun intérêt. D'où, encore une fois, peut-être l'intérêt de la collectivisation, de la mutualisation. Peut-être, pourquoi pas, après, penser des achats groupés pour réussir au moins à rapatrier un peu tout ça. Et surtout, pour moi, d'où l'enjeu. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de développer une filière houblon en Rhône-Alpes et idéalement dans la Loire, du coup, pour qu'on puisse avoir du houblon bio, ultra local, qui aura un impact encore moindre, du coup, sur l'environnement. Alors là, si je comprends bien, Aurélien, on a trois registres, je dirais, ou fournisseurs un peu différents. Tu as la céréale et les producteurs régionaux. C'est ça. Tu as le maltage, on le dit comme ça, qui se passe également en région. Oui. Donc là, ce sont quoi ? Ce sont des sociétés qui assurent cette activité ? Oui, c'est ça, c'est une entreprise. Et ensuite, le houblon, qui lui est en provenance, du coup, de pays européens. Oui, Allemagne, Espagne et Autriche. Ok. Via une entreprise qui est située en Rhône-Alpes, du coup. D'accord. Pour votre démarche, là aussi, en termes de production, comment vous envisagez, ou en tout cas, quel est l'existant en termes de production pure ? C'est-à-dire, combien vous brassez en volume ? Votre objectif ? Quels sont les seuils ? Qu'est-ce qui, pour toi, est justement encore raisonnable pour tenir, un petit peu, justement, tous ces fronts-là ? Alors encore une fois, de toute façon, tenir tous ces fronts. Alors nous, d'un point de vue économique, aujourd'hui, et je suis en train d'ailleurs d'embarquer d'autres brasseries qui sont pas en bio, par exemple, dans le fait de basculer sur du bio et du local, parce qu'elles pensaient que c'était trop cher. On a remarqué que la différence de coût au litre, on est sur une dizaine de centimes, une quinzaine de centimes. Donc en réalité, l'enjeu n'est pas tant d'un point de vue économique sur l'approvisionnement. C'est vraiment plus sur l'investissement pour recycler nos déchets. C'est là où il y a un vrai enjeu économique. Nous, aujourd'hui, on produit 80 hectolitres par an en moyenne. Il faudrait qu'on atteigne les 250 hectolitres assez rapidement. Ça, ce serait chouette. Mais disons qu'en tout cas, l'approvisionnement en bio, pour nous, ne représente pas vraiment un enjeu économique. C'est pas ça l'enjeu, quoi. L'enjeu économique, il est vraiment sur comment est-ce qu'on investit pour retravailler ces déchets et pour on crée aussi une nouvelle source de revenus, hein, en réalité, parce que quand on va produire de la pleurote, du shiitake, du verre de farine ou de la farine de drèche, voire de la briquette, soit on économise sur l'énergie, soit on a un nouveau produit qu'on peut vendre et amener sur le marché. Et donc, en fait, il faut un investissement initial, mais qui permet de générer des revenus complémentaires, ce qui permet de stabiliser une activité tout en la rendant pas dépendante d'un seul produit, quoi. Alors, juste pour conclure sur ce point, quand tu parles de déchets, c'est à l'issue de l'activité de brasserie. C'est ça. Que vous incombe ces déchets. C'est-à-dire que vous, à Carnot, là, c'est le lieu où vous brassez. Ouais. C'est sur ce lieu-là vous avez cet ensemble de résidus, quoi, finalement, c'est ça. De déchets. Exactement, oui. Et que pour l'instant, puisque c'est la volonté est là, mais on n'en est pas encore là, exactement. Vous n'en êtes pas encore là, ouais. Pour l'instant, que deviennent ces déchets? Pour l'instant, c'est un agriculteur qui vient, quand il fait sa tournée de livraison de yaourt à Saint-Étienne, il passe, il récupère les poubelles remplies de céréales qui ont cuit, hein, donc qui sont encore riches en protéines et en fibres, et les embarque pour nourrir des cochons. Tout simplement. Ok, donc elles ont tout de même un réusage. Elles ont quand même un, oui, non mais quand même. Oui. Non mais je veux dire, c'est oui. Déjà intéressant, je veux dire, en termes de. Oui, c'est déjà intéressant. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, c'est juste, je pense qu'on peut aller encore plus loin et voilà. D'accord. On reparlera de la réalité économique aussi, parce que je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais j'avais pu lire que vous n'étiez encore pas rémunéré pour votre activité, par exemple. C'est-à-dire que vous, oui. Au terme de 3 ans, vous ne tirez pas de revenus. Non, pas encore, non. Ok. Ça, c'est quand même un objectif aussi. Oui. Parce que là, on parle oui. De nouveaux modèles, on parle de résilience, de justice sociale. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Mais c'est pour ça que je parlais de laboratoire. Après, je pense que le fait qu'aujourd'hui, je me rémunère pas, ça n'est pas lié à nos engagements et à des choix, je dirais, politiques au niveau de la structure. C'est simplement lié à des questions de marché et à des questions de capacité, de force de vente, quoi. C'est complètement différent et je pense que c'est pas. Il faut le décorréler, quoi. Voilà. Il n'y a vraiment pas de lien direct. Et par contre, bien évidemment qu'à terme, j'aimerais bien pouvoir quand même vivre de mon travail. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, quoi. Ok. On va tenter de revenir. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, forcément. Et vous n'hésitez pas, on est dans un mode un peu de tour de table. Vous allez présenter forcément aussi un peu les enjeux au sein de vos activités respectives. Mais n'hésitez pas à rebondir si besoin est, bien sûr, hein, sur aussi peut-être des enjeux qui pourraient rejoindre vos préoccupations ou autres. Intervenir si besoin. On peut peut-être poursuivre. Passons pourquoi pas, de la culture du houblon ou de la céréale à la culture de la fève de chocolat, par exemple. Retrouvons Fred et la chocolaterie pour cette expérience là aussi qui existe depuis combien de temps, Fred ? Officiellement depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc on est à peu près dans les mêmes jeunes structures. Mmh. Nouvelle initiative située dans le Beaujolais, oui. Commune de Le Péréon pour être précis. Petit village. 16 impasse du Bourg. Exactement. Je l'adresse exacte. Alors peut-être là aussi revenir sur déjà aussi l'intention finalement et jeunesse de créer une chocolaterie, mais qui n'est pas finalement, je crois, que ta seule activité. Oui. Assez complexe. En fait, pour simplifier les choses, moi, je suis pâtissier chocolatier de formation. Je donne des cours de cuisine depuis 20 ans. Et il s'est passé un truc en 2020. Je ne sais pas si tu te souviens. Non. Hein, voilà. Et je crois que tout le monde est passé par là. Hein, j'étais dans mon parce que ça a été aussi pour les gueules d'orge, hein, ouais. Forcément une échéance reportée. Ouais, voilà. Et donc, du coup, mes ateliers étaient arrêtés. Et mes potes producteurs me disaient, écoute, Fred, si tu veux, tu peux venir vendre tes produits dans la ferme quand on fait des petits marchés en semaine. Et c'était à la période de Pâques, donc j'ai commencé à refaire des chocolats. Et progressivement, j'en ai fait de plus en plus. J'ai acheté une machine, 2 machines et une cliente qui est devenue une amie qui travaillait à l'époque pour une association qui s'appelle SPP. C'est la défense des petits producteurs du Sud, en lien avec des transformateurs de l'hémisphère Nord. Quand on dit Sud, c'est hémisphère Sud et Nord, hémisphère Nord. Et en fait, elle m'a fait des masterclass sur le cacao et là, je suis tombé de ma chaise parce que pour moi, j'utilisais le chocolat que j'utilisais, c'était une matière première en conventionnel. Je ne savais pas du tout comment c'était fabriqué. Je ne connaissais pas toutes les problématiques géopolitiques, environnementales, géopolitiques, travail des enfants, déforestation. Enfin, c'était très complexe. Là, j'ai découvert ça. Après, elle m'a fait rencontrer après des producteurs d'Équateur, du Pérou, de Côte d'Ivoire. Et là, je me suis remis en question sur ma méthode de production. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer de fabriquer mon chocolat à partir des fèves de cacao. Il faut savoir que sur les 4000 chocolatiers en France, on est à peine 3% à fabriquer notre chocolat à partir des fèves de cacao. Donc c'est très peu. Et ce réseau s'appelle Bean to Bar, donc c'est un anglicisme parce que le premier qui a mis en place le Bean to Bar, enfin la production de chocolat à partir de fèves de cacao, c'est un Américain qui a, alors le début est pas très cool, il a fait fortune dans la Silicon Valley, il s'est installé à San Francisco, il a acheté des machines et dit tiens si je faisais du chocolat. Et donc ça a démarré comme ça et c'est arrivé en France en 2015. Et maintenant, on est à environ 130 à faire. Et alors oui, bean to bar, littéralement, de la fève de cacao à la tablette de chocolat. Exactement. Ouais, vous êtes à peu près une trentaine. En bio, une trentaine. Ouais. En bio et en commerce équitable. Ouais, exactement. Voilà. Ça veut dire que les autres, sur quel modèle ils sont, ils partent pas de la fève, ils partent sur un produit déjà transformé. Tu parles des 100 ou des... Les autres chocolatiers, voilà. Ouais, ils partent d'un produit industriel qui a été transformé. Pour moi, pendant longtemps, c'était une matière première. Je me posais aucune question. J'utilisais ça comme de la farine ou comme des œufs, sans avoir cette mise en lumière de comment je fabriquais, comment c'était fabriqué, comment c'était produit. Et là, on n'a plus le même contact avec la matière. Moi, je suis en lien WhatsApp avec des producteurs de Côte d'Ivoire, du Pérou. On se parle de nos problèmes ou de nos coups de cœur ou des choses qui vont bien. Et on n'a plus le même, j'ai les mêmes rapports qu'avec mes petits maraîchers côté de chez moi. Donc c'est super parce que ça permet vraiment de comprendre qu'ils sont passionnés, que c'est difficile, qu'ils ont aussi des problématiques de salaire également qui sont très, très compliquées pour eux. Et en fait, si demain on arrête de manger du chocolat en France et dans l'hémisphère nord en général, ces gens-là n'ont plus de travail et ne peuvent plus vivre. Donc c'est compliqué. Donc en fait, il y a un enjeu... économique, social, politique et environnemental qui est très complexe. Et donc il faut construire à partir de ça, encore une fois tous ensemble, parce que tout seul on ne pourra pas changer les choses. Et c'est important de se dire comment maintenant on travaille. Donc on essaye d'être avec des partenaires, des personnes qui vont avoir les mêmes envies, les besoins de se dire comment on peut changer les choses bien, mais en laissant personne à côté. Alors, le décor est bien planté, justement. L'intention est là. Comme pour les Gueules d'Or, je poserai un petit peu la même question, c'est-à-dire, toi, aujourd'hui, comment tu fonctionnes? Comment tu procèdes? Comment la fève de cacao, tu te fournis? Avec quel partenaire, quoi, finalement, ouais. tu mets en place ton activité? Ok. Alors, moi, je travaille avec trois structures. Donc, Éthicable, qui est dans le Gers, Kaoka, qui est du côté de Carpentras, et Silva Cacao qui est en Belgique. Il faut savoir que la plupart des flux de cacao en Europe arrivent à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Donc il y a déjà un transport de flux à partir des Pays-Bas. Et tous travaillent de cette façon-là. Je parle pour l'Europe. Hein. Après, c'est différent pour l'Asie et pour les États-Unis. Et donc, en fait, à partir de là, il y a certains qui vont commencer à travailler sur des transports à la voile. Mais c'est compliqué à mettre en place parce qu'on est réduit en termes de volume transporté et en termes de temps sur les mers. Et après, bien sûr, il y a aussi la problématique de la crise du cacao qu'on a connue il y a 2-3 ans sur une problématique climatique en Afrique de l'Ouest qui a touché l'intégralité en fait, de la filière cacao. Et en fait, on a eu des prix qui ont augmenté et une problématique de certification en bio de beaucoup de producteurs dans le sud qui n'avaient plus les moyens de se certifier bio. Les prix avaient tellement augmenté en conventionnel qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient plus l'intérêt de certifier en bio leur parcelle de cacao. Voilà. Alors, là aussi, pour revenir à des choses très précises et concrètes, parce qu'on ne connaît pas ce monde du chocolat et de la fève, ouais. De cacao, tu reçois la fève brute. Brute séchée. Brut séché et qu'ensuite donc pareil donc comme on le disait pour maltais toi tu dois, je sais pas comment, quel est le terme pour passer de la fève qu'il faut sans doute concasser, enfin je sais pas comment. Alors, rapidement parce que oui, très vite, je vais animer une conférence cet après-midi justement sur le cacao, donc ça va être intéressant, ça permet de faire le lien. C'est qu'en fait on a donc le lien de production, donc on va couper les cabosses, ensuite les cabossages en forêt pour enlever les fèves des cabosses, transporter après dans les coopératives où il va y avoir d'abord une première partie de fermentation dans des caisses en bois enrobées de feuilles de bananier. Après, une fois qu'on a fait cette première partie de fermentation qui va commencer à travailler sur la palette aromatique, on va les mettre sur des clés pour les faire sécher pendant une dizaine de jours. Quand tu dis « on », ça se passe dans les pays de production. Ouais, voilà. Voilà. Je parle de, donc voilà. Qui, là, sont où en ce qui te concerne, toi, alors moi, pour sur... revenir sur la chaîne et ouais. avoir une idée un peu aussi géographique des choses. Je travaille sur 8 origines différentes, donc principalement Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique de l'Ouest et Madagascar. Voilà. Et c'est difficile de trouver d'autres structures avec la même problématique, enfin la même problématique, les mêmes certifications et les mêmes enjeux humains dans d'autres régions du monde, puisque le cacao endémique, en parlant, il est né en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, et maintenant on en trouve quasiment sur tout le pôle où on a l'équateur. Donc en fait, c'est vraiment. Maintenant, on en trouve même en Inde, on en trouve vraiment de partout. Donc on parlait de ce premier maillon de la chaîne, ouais, et du producteur. Voilà. Et donc une fois qu'on les a séchés, ils les ont séchés, ils les mettent en sac, et à partir de là, ils sont expédiés. Et donc moi, je les reçois fermentés, séchés, et là, je vais les torréfier. Je vais les concasser grossièrement, les vanner, donc enlever l'écorce de cacao, qui est également un déchet qui est intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on a des filières parallèles aussi pour ça. Ensuite, une fois qu'on a donc séparé l'écorce de l'amande, en fait, on a ce qu'on appelle du grué. Et le grué, on va maintenant après le mixer pour créer la liqueur de cacao. Et ensuite, on va le mettre dans une concheuse. Donc, j'en ai une sur mon stand en ce moment, justement, pour vous montrer comment on fait cette dernière partie de la fabrication du chocolat. Et donc là, on va le concher pendant environ, ça va dépendre, un jour, deux jours, trois jours. Ça va vraiment être un choix personnel de comment on va arriver à avoir une palette aromatique, une texture. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter un peu de sucre ou pas. Et voilà. Ok. Donc toi, c'est ce que tu fabriques, ouais. Justement, à l'atelier. Mmh, exactement. Directement. Et quelle est pour toi, finalement, la grande différence de cette façon de procéder et de, tu vois, de travailler avec cette matière première oui. Et en quoi, justement si elle est énorme parce qu'en fait, on est vraiment à tous les moments de la production. Donc en fait, moi, je suis en capacité de faire des torréfactions douces. Bon, il faut savoir que la plupart des industriels, eux, font des torréfactions entre 160 et 170 degrés, quel que soit l'acteur, qu'il soit bio ou pas bio. Hein. Et donc, en fait, c'est surtout pour masquer les défauts de la fève, mais ils vont avoir des notes grillées. Et donc, des notes grillées vont engendrer une amertume. On dit que le chocolat noir est amer. C'est pas parce qu'il est amer, c'est souvent parce qu'on a brûlé la fève. Voilà. On l'a extrêmement, entre guillemets, carbonisé, si je veux vraiment aller très loin. Alors que moi, je fais des torréfactions entre 110 et 125 degrés. Donc j'ai développé une palette aromatique, mais il faut vraiment que j'ai une excellence en termes de production de fèves de cacao. Et en l'occurrence, là, c'est mes potes producteurs de cacao qui vont faire tout le job en travaillant en agroforesterie, en respectant, en faisant un travail vraiment très important sur la méthode de taille sans intrants chimiques, en essayant justement de servir des canopées des parcelles pour justement protéger les cacaoyers. Il y a tout ce travail-là qui est très important de production, de fermentation et ensuite de séchage qui vont vraiment jouer un rôle prédominant en fait dans le goût final du cacao. Est-ce que c'est toi qui sélectionnes finalement aussi ou parce que Aurélien l'évoquait aussi au niveau de la brasserie, c'est peut-être de tenter de collectiviser justement quand il s'agit de se fournir en Alsace pour l'exemple tout à l'heure du houblon, mais est-ce que là c'est un peu la même chose avec des coopératives qui finalement fournissent plusieurs artisans, je dirais fabricants, ou est-ce que c'est tout le travail justement à mener, par exemple des structures comme Kaoka ont en fait préfinance les récoltes. Donc en fait, ils vont carrément donner de l'argent en direct aux coopératives qui vont permettre aux producteurs de se dire notre production, un peu comme les systèmes des AMAP, on a déjà commencé déjà à assurer en fait le revenu du paysan qui se dit maintenant je suis tranquille, je vais pouvoir faire le maximum parce que je sais que déjà mon cacao est vendu à des structures qui sont déjà également engagées. Voilà. D'accord. Et quel est encore tout le travail à mener et à améliorer ? Parce que tu parlais tout à l'heure de décarboner aussi sur le mode de transport. En fait, il faut savoir rapidement que bien sûr, toute la production du cacao est uniquement mécanique. Enfin, uniquement, excusez-moi, manuelle justement, elle n'est pas mécanique. Et que en fait, le seul moment où on va avoir un transport, en tout cas une utilisation de pétrole, c'est pour le transport. Qui, pour certaines personnes, vu de loin comme ça, peut être pas anodine du tout, mais on se dit que malgré tout, ça représente un tout petit pourcentage du transport global en fait maritime, et qu'en fait c'est le seul moment où on a vraiment un besoin de, on va dire, de carbone pour justement produire le, enfin pour amener le cacao jusqu'aux petites productions européennes. Voilà. Je termine parce que finalement vos deux activités sont assez proches dans l'idée de, ben, de fabrication et ensuite de commercialisation, distribution en tout cas. Et je poserai une question, c'est d'abord quelle est la nature de vos structures respectives. Vous êtes sous quelle forme, quel statut? Moi je suis en SARL. SARL. Et pour les gueules d'orge. C'est une ESS. Pardon? Une ESS. Une ESS. SAS. Une SAS. ESS, économie sociale et solidaire, ça rejoint, mais une SAS, pardon, je suis un peu dur de la feuille. D'accord. Et sur le côté bio et certification, je me posais la question, de, pour rejoindre aussi l'aspect économique des choses, là, de, souvent on explique aussi que c'est parfois très compliqué, finalement, de s'engager sur ce type de démarche. Certains, parfois, lâchent même, on va dire, la labellisation en se disant, bon, c'est tellement complexe. Que voilà, on lâche l'affaire et on joue pas sur ce label-là. Finalement, c'est des obstacles qu'on rencontre davantage et qui vient aussi parfois impacter, notamment à l'issue de cette chaîne, le coût du produit, par exemple. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Enfin, quelle est un petit peu votre là aussi appréciation des choses à ce niveau-là? Par exemple, est-ce que ça se répercute sur le coût de de la vente de la bière, par exemple, Aurélien, le coût pareil du produit de la tablette, etc. L'assertif, nous, au niveau de notre entreprise, elle a un coût qui n'est pas négligeable, mais bon, qui est facilement absorbable. Et en tant que transformateur, c'est quand même, ça reste très contraignant, la certification. Mais je pense que celles et ceux qui ont le plus de mal éventuellement à gérer la certification, c'est plutôt les agriculteurs et les agricultrices, donc les exploitations, et notamment quand elles sont en conversion, où c'est peut-être là où il y a beaucoup plus d'enjeux, et c'est peut-être là que c'est beaucoup plus compliqué que pour nous, transformateurs. Quoi. Ouais. Oui, et en plus, le cacao est hors Union européenne, donc en plus, il y a toute la problématique de transport, et c'est pour ça que je suis obligé de passer, entre guillemets, par des partenaires, parce que si je fais venir un produit certifié hors Union européenne, je dois après refaire une certification, je crois, en arrivée. Alors, je ne connais pas vraiment le principe, mais c'est très complexe. Alors c'est déjà compliqué pour moi en tant que transformateur. Je sais très bien que pour les producteurs, ça l'est encore plus et ça a des coûts qui sont très, très importants. Moi, il y avait un enjeu personnel. Je ne suis pas allé dans le bio parce que c'était la tendance. Mais juste un tout petit point, c'est que mon père était maraîcher. Et quand il était en conventionnel, quand il passait certains traitements, c'était dans les années 90, il tombait malade sur certains traitements. Donc moi, j'ai eu envie justement de parler autrement parce que je me dis, en fait, la première personne concernée, c'est le producteur, c'est l'agriculteur qui va être concerné justement par ces problématiques liées aux phytosanitaires. Et après, bien sûr, en deuxième temps, ça va être les consommateurs. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de se dire, moi, je vais là-dedans, pas seulement parce que c'est chouette, parce que c'est vert, mais aussi parce que justement, tu vas protéger quelque part tes producteurs qui vont aussi s'engager de manière vraiment forte. Merci pour ces premiers éclairages. Et puis on va passer au troisième invité. On va justement basculer sur le côté production davantage avec un jardin en tant que tel. Donc maraîchage en l'occurrence et en grande partie, ou même uniquement d'ailleurs, pour les jardins d'Oasis, jardin de Cocagne, avec Rémi, qui est donc, tu le disais, encadrant. Pédagogique. Pas animateur. Quoi, ça rejoint l'idée quand même. Ouais, ça rejoint l'idée. C'est juste une terminologie quand même. Alors pas que, ouais. Parce qu'en fait, moi, dans mes missions, j'ai aussi l'encadrement et l'accompagnement de salariés en insertion. Parce que la particularité du réseau Cocagne, c'est qu'on fait de l'insertion professionnelle. Absolument. Par le maraîchage biologique. Et oui, un réseau qui existe depuis de longues années. Hein. Depuis les années 90, oui, effectivement. C'est au milieu des années 90, dans le Doubs, que ça a commencé à germer, si vous me passez l'image. Et puis ça s'est essaimé, on va continuer là-dedans, sur tout le territoire. Et aujourd'hui, il y a une centaine de jardins de Cocagne en France qui font de l'insertion professionnelle par le maraîchage bio. Et après, chaque jardin est une association indépendante, puisque nous, on est sous statut associatif, agréé atelier chantier d'insertion. Et donc, chaque jardin, après, a développé des filières autonome, indépendante, un petit peu particulière. Nous, notre particularité, c'est à la fois l'éducation à l'environnement, donc là c'est mon poste, je pourrais y revenir, et puis la phytoépuration. Donc nous, on fait de l'assainissement des eaux usées par les plantes, par le génie végétal, par des fibres plantées de roseaux, Donc c'est une filière un peu particulière puisque nous on a été vraiment précurseur là-dedans puisqu'on a accompagné le CNRS quand ils ont développé le projet au niveau scientifique en tant qu'acteur économique. Et aujourd'hui nous on a la filière de A à Z, c'est-à-dire de la graine de roseau, on fait pousser les roseaux et on monte les stations d'épuration et ensuite derrière on fait les entretiens. Donc on a toute une équipe de salariés encadrant technique, donc salarié permanent et de salariés en insertion qui travaillent sur sur ce projet-là. Et donc pour nous, c'est une grande richesse d'avoir aussi ce projet. Alors on va repréciser les choses parce que Jardin Coq, donc vous êtes sous statut associatif, vous, à l'inverse des autres invités ici, dédié au maraîchage, mais plusieurs pôles d'activité. Exactement. Ça fait 24 ans que vous existez. C'est ça. Il y a le volet animation, le volet maraîchage, production, jardinage, et le volet espace vert, donc. Mm-hmm. Vous êtes de nombreux permanents salariés. Parce que là, on parlait de petites structures, petites équipes, avec les gueules d'orge ou Fred et sa chocolaterie. En revanche, pour Oasis, c'est une trentaine de salariés permanents. Non, on est 13 salariés permanents. 13. Voilà, en équivalent temps plein, on est à peu près 11-12. Et puis, on a 22 salariés en insertion actuellement. Alors après, nous, c'est un peu particulier. D'accord. Parce que les salariés en insertion, en fait, nous, on a des négociations à peu près tous les 6 mois avec les services de l'État qui nous accordent un nombre de contrats en insertion pour faire le travail qu'on fait, pour accompagner ces personnes-là. D'accord. Donc, tu disais une vingtaine plus une quinzaine permanents. Parce que là, je lisais, en 2024, 62 personnes accompagnées. Sur l'année. Sur l'année. Oui, ouais. Non, mais je veux dire, c'est quand même énorme. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Alors, on va peut-être développer ces différents volets, si tu le veux bien, Rémi, avant qu'on en vienne à ta spécialité, qui est donc plutôt l'animation. Ouais. Parlons peut-être du volet à la fois insertion, qui est intéressant quand même et qui fait la particularité et la définition même de votre jardin de Cocagne. Et puis ensuite, le volet justement, peut-être maraîchage, espace vert, même si tout est aussi peut-être un peu interdépendant tout de même. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc nous, notre mission première, c'est donc l'insertion professionnelle. Donc l'idée, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre une activité salariale, donc de reprendre par ce biais-là, une sociabilisation, un salaire. Reprendre aussi le rythme, retrouver des horaires le matin, respect des procédures de travail. Et pendant ce qu'on appelle nous un parcours chez nous, puisque les salariés en insertion ont dit qu'ils ont un parcours, ils ont un accompagnement socio-professionnel. Donc ça va être vraiment, ça peut être de la base, santé, logement, comprendre aussi les différents services publics auxquels ils ont le droit, comment ça se passe. Et aussi ça peut aller jusqu'à, enfin même c'est l'idée, c'est le retour à l'emploi et à un emploi de qualité. L'idée c'est pas non plus de les envoyer au turbin derrière, c'est aussi d'avoir des personnes qui peuvent aller se former, trouver un emploi qui leur fait vraiment plaisir, en fait, à quelque chose dans lequel ils s'épanouissent, et donc de les amener jusque-là. On a tous et toutes le droit à 24 mois d'insertion professionnelle dans une vie, si on répond à certains critères. Et chez nous, un parcours moyen, c'est environ 12 mois. Donc, un salarié, généralement, reste une année chez nous, et au bout d'une année, on a à peu près 60 à 70% de sorties positives. Donc, une sortie positive, c'est un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou une formation qualifiante. Donc là, c'est vraiment le volet insertion pro. Et pour les profils qu'on accueille sur ces de salariés, c'est très, très divers et varié. On a des sorties de prison, on a des sorties de rue, on a des personnes en exil qui viennent de pays très lointains, on a des personnes qui ont eu des longues maladies, donc qui n'ont pas travaillé pendant 10, 15, 20 ans. Et on a aussi des seniors qui sont licenciés à 1 an, 2 ans, 3 ans de la retraite, donc qui ont beaucoup de mal à retrouver un emploi. Et donc l'idée, c'est de permettre cette employabilité, on va dire. Ouais. En tout cas, un volet social très important. Ouais. Peut-être continuons, parce qu'il faut aussi avancer dans le cadre de cette émission et de ce plateau. Le volet peut-être production. Ouais. Et donc, alors c'est du maraîchage, qui est un peu la spécificité de la plaine du Forêt, là-bas, Saint-Just-Saint-Rambert. Ouais. Vous êtes aussi, il me semble, certifié bio. Oui, effectivement. Nous, on est en bio. C'est d'ailleurs un des principes des jardins de Cocagne, c'est le maraîchage biologique. Donc nous, on a la certification bio. On fait du maraîchage, donc on fait pas de fruits, on fait vraiment que du légume, et on a une commercialisation sous forme de panier. Donc c'est le principe un petit peu des AMAP, les gens ont un abonnement, etc., etc. Et donc nous, on a une commercialisation quasiment exclusivement sous forme de panier. Certains jardins passent par de la restoco, etc. Nous, on n'a pas forcément développé ça, et on a plutôt tendance à se tourner vers la plaine du Forêt, puisqu'on travaille aussi dans la Loire avec les jardins de Valériane, qui est un autre jardin de Cocagne, qui eux sont plus sur la région. À Rive-de-Gier, non ? À Rive-de-Gier, exactement. Mmh. Et eux, on s'est un peu partagé le territoire, on va dire, pour être en bonne entente aussi, et puis pour avoir une couverture aussi, une proposition qui est cohérente. Donc eux sont plutôt sur la vallée du Gier, et la région stéphanoise, et nous plutôt sur la plaine du Forêt. Et Gier, qui dit Gier dit peut-être coteau là, du Jarret, ouais. Donc ça veut dire peut-être plus davantage de production fruitière par exemple. Alors eux sont aussi que sur du maraîchage. Voilà, pour l'instant. Et pour information, nous on fait 350 paniers par semaine. Ah, une tonne de légumes qui est préparée à peu près par semaine. Ouais. Voilà. Et alors petite parenthèse, parce qu'on là on évoque deux jardins sur le territoire. En fait, il y a combien de jardins labellisés Cocagne dans la Loire? Sur le département, ouais. Trois. Il y en a un autre, donc Biocultura du côté de Roanne. Et avant, il y avait les jardins d'Astrée qui a malheureusement mis la clé sous la porte il y a quelques années de ça. Tu parles de mettre sous la clé sous la porte. J'avais pu et cru entendre que c'était une des vraiment grandes difficultés aussi actuelles que de développer ce type d'activité et de pouvoir aussi obtenir finalement l'agrément chantier d'insertion. Oui. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous avez aussi des obstacles en la matière qui pourraient mettre en péril, on va dire, ce volet-là de votre activité? Alors, pour information, pour avoir l'agrément ACI, atelier chantier d'insertion, il faut être au moins à 30%, un tiers exactement, autonome sur notre chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui nous permet, nous, après, de bénéficier de cet agrément-là, qui nous permet donc d'engager des gens en insertion professionnelle. Et donc, du coup, les salaires des personnes en insertion sont couverts par les services de l'État. Ils sont même couverts à 102%, puisqu'ils nous aident sur l'aspect coordination, accompagnement. Nous, en intérieur de nos structures, on a une conseillère en insertion professionnelle qui est salariée de l'association et qui accompagne ces gens-là au quotidien. Il faut savoir qu'il y a deux semaines, on a, avec l'association des SIAE, donc structure d'insertion par l'activité économique, et l'association des ateliers chantiers d'insertion, on a convoqué tous les parlementaires de la Loire, d'ailleurs ça s'est passé à Oasis, à venir pour un peu, entre guillemets, nous entendre et peut-être se faire tirer les oreilles pour ceux qui étaient un petit peu trop acteurs et actrices de cette situation, puisqu'en fait dans le PLF, donc le projet de loi de financement, était acté une baisse drastique des financements liés à l'insertion professionnelle et au monde de l'associatif. On était sur des milliers d'emplois menacés permanents et donc du coup des dizaines de milliers de personnes en insertion qui ne pourraient plus être accompagnées. Donc aujourd'hui, il y a en commission des finances, on a eu la chance d'avoir une rectification des amendements qui ont rectifié ce budget-là, et on a retrouvé la situation de 2004. Qui n'est pas la plus belle qu'on ait jamais vécue, mais qui est déjà beaucoup plus acceptable pour nous. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un parti politique qui n'a pas voté le rehaussement des subventions liées à l'insertion professionnelle, c'est le Rassemblement National. Tous les autres partis ont été assez unanimes pour soutenir l'insertion professionnelle. Absolument. Alors voilà, je vous verrai une brèche, hein, parce que c'est la réalité du moment, ce PLF 2026 qui concerne tout secteur associatif, les radios associatives en l'occurrence également. Bref, on voit que c'est acté, mais que c'est... et que ça impacte surtout aussi structures de ce secteur de l'associatif ou de l'économie sociale et solidaire. On va poursuivre et avancer encore sur le restant des activités. Il nous reste deux volets à voir, ouais. Rémi, le volet espace vert, justement, si tu veux le développer, puis on terminera par ce qui te concerne peut-être un peu plus directement. Ouais. Donc nous, espace vert, donc il y a des chantiers espace vert assez classiques, mais surtout notre spécificité, comme je le disais, c'est la phytoépuration. Donc on a développé au début des années 2000, en coopération avec le CNRS, donc une filière de roseaux. Pour aller dans le détail, c'est du Phragmite australis, c'est une plante donc c'est un roseau qu'on va implanter dans des stations d'épuration végétale. Donc grosso modo, très généralement, c'est des hameaux de moyenne montagne qui ne sont pas reliés au tout à l'égout, qui passaient avant par des fosses septiques, donc plein de produits chimiques, de la manutention qui n'est pas super... super pour le traitement des eaux usées, quoi. Pour le traitement des eaux usées. Et donc nous, on propose en fait de relier ces hameaux-là à des stations d'épuration végétale. Donc c'est le génie végétal. Donc il y a eu toute une recherche qui a été développée. Aujourd'hui, nous, on part de la graine de roseau. On fait pousser les roseaux. On en prend soin pendant 2 ans pour pouvoir ensuite les implanter en station d'épuration. Et par un procédé assez fantastique, mais tout à fait naturel, on permet de nettoyer les eaux usées qui sortent des maisons pour pouvoir les rejeter en eau sauvage, donc en fleuve, rivière ou quoi que ce soit, sans avoir eu un traitement chimique agressif qui persiste dans les eaux sauvages, dans les stations d'épuration conventionnelles. D'accord, donc vous produisez les roseaux et ensuite vous intervenez également, ouais, dans les projets d'installation. Et après, on fait l'entretien, parce que ça nécessite un entretien, oui, une fois par an, ce qu'on appelle le faucardage. C'est-à-dire qu'il faut aller couper les roseaux qui ont poussé. Donc on va les couper pour favoriser la repousse au printemps. Donc après, il y a toute une technique, dont je vous passe le détail parce que ce serait un petit peu long, mais c'est une technique qui est assez fantastique et c'est vraiment du génie végétal, quoi. C'est grâce à la plante, à la combinaison de la plante, de micro-organismes et d'une architecture particulière des stations d'épuration qu'on arrive à nettoyer les eaux usées qui sortent des maisons et tout ce que vous imaginez. Et là, qui s'adresse à des collectivités ou à des particuliers? Ça existe pour les particuliers, nous on le fait pas. on fait collectivité, association, entreprise, on fait les grosses installations entre guillemets. D'accord, voilà. D'accord. Terminons par ce dernier volet qui te concerne l'animation, l'éducation à l'environnement peut-être. Et alors nous on fait de l'éducation à l'environnement effectivement et particulièrement de l'éducation à l'alimentation. Donc moi c'est mon métier, donc je disais que je suis animateur certes, mais je suis aussi encadrant pédagogique puisque le but c'est d'accompagner des salariés en insertion à reprendre pied par l'animation aussi et par l'éducation à l'environnement. Donc moi je reçois comme public principalement des scolaires, mais aussi des seniors, aussi des publics en situation de handicap. Et l'idée c'est de faire du jardinage, mettre les mains à la terre, ce qu'on appelle les animations les mains à la terre, reprendre contact avec la nature, comprendre ce qui se passe dans la terre, aller sentir, gratter, toucher, tout ça. On va faire aussi beaucoup de bricolage. L'idée c'est le réemploi, c'est comment on part d'une palette pour fabriquer une cabane pour les oiseaux, etc. Et aussi beaucoup beaucoup de cuisine, d'éducation à l'alimentation, mieux pousser, mieux manger, mieux grandir, c'est un petit peu l'idée. Et mieux boire aussi pour les grands, évidemment. Hein, sûr, alors pour les grands, mais justement ça me fait une super transition puisque dans mes missions j'ai aussi l'animation du réseau d'adhérents. On a 400 adhérents à peu près à Oasis, donc l'idée c'est aussi de proposer des animations à toutes ces personnes là. On n'est pas qu'une surface commerciale, on est aussi un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu d'éducation, un lieu en échange. Et donc on fait venir à Oasis des expos, des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts, etc. Et donc de temps en temps on boit un coup aussi tous ensemble. On va pas se le cacher. Bon, merci en tout cas pour ce témoignage et ces synthèses que vous avez réussi quand même vous êtes efficace à nous présenter parce que le temps passe très vite et forcément voilà. On va tenter de prolonger un petit peu et puis de prendre quelques questions s'il y a dans le public. Mais peut-être je voulais revenir sur finalement cet enjeu un peu général parce qu'on parle de l'intitulé qu'on a évoqué, c'est construire de nouveaux modèles agricoles. Et je me dis, mais finalement, alors à part Oasis, mais même pas en ce qui te concerne directement, Rémi, vous n'êtes pas véritablement producteur, en fait, vous. Vous n'êtes pas dans ce modèle agricole. L'enjeu, il vous concerne, bien sûr, directement, mais vous en êtes éloigné. C'est plutôt les partenaires là que ça va concerner directement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une reformulation du... Oui. Moi, ce que je proposais, du coup, c'était justement de repenser des filières entières, en fait. Et pas juste la partie agricole, la partie production, mais toutes les filières qui dépendent des exploitations agricoles qui, elles, ont déjà fait le travail, pour la plupart, pour beaucoup. Et même si pour certaines, on peut aller plus loin, notamment sur les céréales, on peut travailler sur sol vivant plutôt que sur des techniques classiques de fauche, labour et engraissage, etc. Mais peu importe finalement, mais les exploitations agricoles ont, elles, généralement déjà bien fait le boulot. Mais le reste de la filière se contente de dire bah, c'est bon, j'ai des matières premières agricoles bio, c'est bon, merci. C'est bon, je suis tranquille. Je suis tranquille. Non, on doit continuer à penser chaque détail de notre activité pour essayer de se dire comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser. Et notamment, et c'est un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, sauf toi Rémi, du coup, sur l'aspect, et toi aussi un petit peu du coup, sur l'aspect social. Tout le monde ne peut pas être une entreprise d'insertion, on vient de le dire. En France, en tout cas, l'État se désengage de plus en plus, notamment du soutien aux associations environnementales, mais pas seulement, et aussi celles qui œuvrent au quotidien pour qu'il y ait plus de justice sociale dans ce pays. Et quand on ne peut pas être chantier d'insertion, il y a un truc par contre qu'on peut faire, et ça paraît tout bête, mais à la manière du 1% pour la planète, c'est que si toutes les entreprises de France s'engageaient à verser ne serait-ce que 1% de leurs bénéfices, ce qui sur un bilan représente rien, c'est-à-dire une fois les salaires payés, une fois les charges payées, 1% du bénéfice à des associations qui, elles, œuvrent au quotidien sur le terrain pour que le monde soit plus juste, bah peut-être qu'on s'en sortirait déjà un tout petit peu mieux, ça représenterait des milliers de milliards. Et puis tu défends ta chapelle là, puisque vous le faites, vous, et alors que vous ne tirez pas de revenus, justement, ouais. Vous reversez 1%, par exemple, à la Ligue de protection des oiseaux. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Hein, c'est ça, Aurélien. Voilà. Alors, il y avait peut-être, alors, dans ces enjeux-là, justement, sur l'ensemble de la filière, peut-être qu'on peut revenir sur... Il me semblait qu'il y avait un peu deux points. Il y avait le côté décarbonation, que vous avez commencé à aborder. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on revienne très rapidement un peu sur ce point en ce qui vous concerne, vous, même si on tente la proximité géographique, mais il y a quand même cette nécessité de transport encore plus loin pour le chocolat. Et le deuxième petit enjeu, me semble-t-il, et tu l'as évoqué, Aurélien, c'est la partie des déchets, justement, et on l'a pas évoqué pour le chocolat, mais il me semble qu'il peut y avoir aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a traité la fève, avec toutes les étapes que tu as évoquées, Fred, là aussi, le côté réusage ou recyclage, ou je ne sais pas, en tout cas utilisation de déchets potentiels et possibles. Alors, pour le cacao, c'est les écorces de cacao, de l'écorce de la fève. Si on est bon, ça représente moins de 20%. C'est vraiment au moment où on va justement enlever l'écorce de l'amande. Et cette écorce, elle est utilisée comme fertilisant en fait pour agricole. Moi, je m'en sers pour faire des tisanes. J'ai un projet pour essayer de faire des gâteaux avec, voilà, des choses, mais enfin, j'en produis beaucoup, donc en fait, j'aurais pas du tout la capacité. On a essayé de faire de la bière avec, ça donne pas un bon résultat, en fait, c'est trop acidulé, on n'arrive pas à travailler là-dessus. J'ai un pote, du coup, qui est comme toi, qui est micro-brasseur dans le Beaujolais. On a fait des essais, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on va travailler ensemble, peut-être faire un truc, je ne sais pas. Enfin, bref, mais voilà, du coup, il y a des choses qui essayent d'être mises en place. On va dire que ça ne représente vraiment pas le même volume que pour de la drèche. En fait, la drèche, on est sur des volumes très importants. L'écorce, ça reste quand même un petit peu anecdotique, hein, par rapport à ça. Même si, alors, je prends une petite parenthèse et j'ouvre peut-être une petite parenthèse. Tu sais qu'il y a une grande entreprise de chocolaterie à Saint-Etienne. Weiss. Absolument. Est-ce que tu en connais un petit peu justement parce que là, j'ouvre vraiment la parenthèse, mais en termes vraiment de questionnement aussi, de leur façon aussi de fonctionner, de produire et peut-être de. J'avais entendu parler de paillage possible, par exemple, oui. En lien avec la collectivité de la ville notamment. Enfin, c'est possible peut-être de l'évoquer. Oui, alors moi c'est mon côté un petit peu, j'ai envie de tout utiliser et quand je vois la drèche déjà, moi je trouve qu'elle est déjà hyper gourmande. Moi j'ai fait des cookies avec de la drèche, c'est juste incroyable en termes de goût. Et pareil pour faire quand je fais des tisanes au cacao, je trouve ça presque dommage de les utiliser comme un paillage. Voilà, c'est un peu dommage. Aurélien, tu voulais réagir peut-être sur le côté. Non, et c'est qu'effectivement, cette écorce effectivement peut être utilisée comme paillage. Hein, c'est ce qui se fait à Saint-Etienne. Ça sent très souvent le chocolat du coup dans les rues hein, quand ils en mettent en paillage sur les espaces publics. Donc ça, c'est assez chouette. Je suis pratiquement sûr que ça peut être utilisé également comme combustible du coup dans des roquettes stoves du coup à la manière de l'écorce de la coque de noix par exemple dans certaines régions. Qu'on utilise du coup donc les roquettes stoves hein, qui sont des types de fours qui permettent d'optimiser la chauffe à partir de très peu de combustible. Et je suis à peu près sûr du coup qu'une fois séchés, on peut les utiliser également comme ça. Ouais. Et c'est rigolo, tu parlais de la gourmandise de la drèche. On a récemment fait un partenariat avec une boulangerie coopérative hein, qui est également exposante ici, hein, qui s'appelle Le Pain du Loup. Qu'on a eu l'année dernière en table ronde ici. Et on a fait une bière au pain, du coup, donc avec 35% de pain du coup dans la recette. Et en dédrêchant, du coup, je me dis putain, c'est con que ça nourrisse des cochons. C'était d'une gourmandise incroyable. Et du coup, sur la prochaine, normalement, on va faire du pudding avec le mélange de drèche et de pain qu'on aura utilisé pour faire la bière. On va refaire un pudding derrière. Pour le distribuer, ça va être rigolo. Excellente idée. Oui, je vais peut-être sur les questions que tu posais. Donc nous, niveau décarbonation, donc nous on a 8 points de dépôt, mais qui sont en proximité directe. C'est-à-dire que même Saint-Etienne, c'est déjà presque trop loin pour nous. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on va sur des 8 points de dépôt qui sont tout de suite à proximité. Et dans l'idée où c'est nous qui nous déplaçons à porter les paniers par paquet de 20 sur des points de dépôt près des habitants et de nos clients en fait, et nos adhérents, parce que l'idée c'est on va pas cramer du pétrole pour aller chercher son panier de légumes bio. Donc nous on va essayer de les apporter au plus près de leur lieu de vie pour qu'ils puissent aller directement près de chez eux. Et on monte des partenariats avec des associations ou des commerces éthiques locaux qui du coup eux ça les permet de une rayonnance sur leur propre territoire, du coup de découvrir de nouvelles personnes, leurs voisins, etc. Et sur l'aspect réemploi, tout ça, nous, on a carrément une surface de lombricompostage qui est de plus de 400 mètres carrés, sur lequel, bah, du coup, vous imaginez le nombre de déchets verts qu'on produit. Donc, on a un réemploi sous manière de compost qu'on crée nous-mêmes pour pouvoir réalimenter ensuite nos cultures, etc. etc. Sur le côté décarbonation, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, Aurélien, mais au-delà de l'approvisionnement, il y a, vous, la distribution que vous assurez En vélo cargo. Mais je pense que, et ça de la même manière en fait, hein, c'est une problématique qui doit être traitée de manière collective. Le fameux problème du dernier kilomètre, alors on peut élargir à plus qu'un kilomètre, on est bien d'accord, mais il est extrêmement consommateur en carbone, ça produit énormément de particules fines et ça participe énormément à la pollution de nos centres urbains, quoi. Et malheureusement à Saint-Etienne, les coursiers stéphanois ont mis la clé sous la porte, hein, qui était donc un service collectif de livraison en vélo cargo. Et je pense que pareil, puisqu'une entreprise toute seule est peut-être pas en capacité de le porter, si plusieurs entreprises qui ont cet intérêt du coup à vouloir ensuite aller faire des livraisons en centre-ville pouvaient créer une nouvelle plateforme de cyclo-logistique, on s'en sortirait quand même mieux. Et parce que nous, on a eu la chance d'être aidés par Saint-Etienne Métropole du coup à hauteur de 50% de l'investissement, ce qui est plutôt très chouette du coup, justement pour participer à la dépollution quand même de nos centres-villes. Mais si on voulait pouvoir livrer, nous on livre des fûts qui font entre 40 et 45 kilos par fût. Quand on doit en livrer 10, puis tout dépend quel secteur de la ville. Il faut passer quelques collines parfois. Il faut passer quelques collines en pédale. Hein. Ça utilise les cuisses, mais on y arrive. Mais par contre, il faudrait des investissements beaucoup plus importants pour avoir des remorques motorisées, etc. Également. Enfin, on peut aller beaucoup plus loin encore. Quoi. Pour aller plus loin, justement, parce que vous parlez beaucoup de cet enjeu collectif de filière. Hein, Alors moi, il me semble quelque chose d'évident, un outil qu'on appelle Chart, qui est souvent évoqué, utilisé. Est-ce que c'est le cas dans vos filières respectives de chartes existantes, chartes de, bah de, je sais pas moi, de brasseries indépendantes et bio, de, d'artisans, producteurs, fabricants, enfin voilà. C'est, ça, c'est la, c'est, est-ce que c'est un outil existant possible ? Sur la partie bean to bar du chocolat, on est vraiment sur, sur quelque chose, sur une genèse en fait. On est au tout début de la ouais. transition, c'est un peu compliqué. Il existe une association, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Juste une toute petite parenthèse de deux secondes, c'est que moi, je pense qu'un vrai artisan, c'est quelqu'un qui fabrique son chocolat. Un artisan chocolatier, c'est un artisan qui fabrique son chocolat à partir des fèves de cacao. Pendant très longtemps, moi, je me suis moqué des boulangers Banette, en disant, bah, en fait, ils font pas de pain. Et en fait, un chocolatier, c'est pareil. Un chocolatier traditionnel, je suis désolé, hein, moi, j'étais comme eux. J'utilisais un chocolat industriel, je ne savais pas comment il était fabriqué. C'est un peu comme... on fait venir une citerne de vin chez un viticulteur, le mec il le met en bouteille, il met son étiquette, il dit bah c'est mon vin. Mmh. Bah il a rien fait en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est... L'artisanat dans le chocolat n'existait pas avant une quinzaine d'années. C'était un produit industriel fabriqué et créé par des industriels au 19e siècle. Et avant ça n'a pas été un produit qui a été artisanal. Mmh. Et on a bien sûr des grands comme Weiss, comme Bernachon... comme Pralu, mais en fait ils sont déjà dans un mode semi-industriel, on est déjà sur des volumes qui sont très conséquents, donc voilà, c'est complexe. Oui, Rémi ? Nous, ouais, sur l'aspect Chart, bah, j'ai envie de dire, en fait, le réseau Cocagne, être dans le réseau Cocagne, c'est déjà. Adhérer à une éthique et une déontologie, effectivement. Et nous, c'est vraiment l'idée de faire pousser, partager et puis éduquer à l'environnement. Ça, c'est l'éducation populaire, c'est quelque chose qui est très très fort dans le réseau Cocagne et quelque chose qu'on chérit, ouais. Oui, je parlais de charte parce que je pensais à la charte de l'environnement, par exemple. Et là, il y a la loi d'orientation et de agricole là, qui est passée l'année dernière. Ça date de mars 2025. Donc, il y a quand même cet enjeu posé, même si elle est discutable et discutée, notamment concurrence entre agriculture et environnement, justement. Mais ça permet au moins de dessiner, de dresser un peu les choses, les cadres possibles. Et un des grands enjeux, c'est justement la question de la transition en agriculture. Bon, alors voilà, à voir, mais qu'est-ce que cela peut-être vous évoque s'il s'agit de, peut-être de terminer un peu sur ce point, parce que c'est... quand on disait la question co-construire un nouveau modèle agricole, ok, mais justement, la grande question, c'est dans quelles conditions, quoi, surtout. Bah oui, dans quelles conditions, c'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, justement, il faut qu'on accepte aussi, nous, en tout cas, acteurs qui sommes pas directement dépendants, en tout cas des pouvoirs publics, que c'est pas eux qui vont nous aider, et qu'il va bien falloir qu'on se mette ensemble pour y arriver. Et j'aime beaucoup ce que tu proposes, là, quand tu parles de charte, et bah, après, le secteur artisanal brassicole français, il est très jeune, hein, il est vraiment très très jeune, parce que c'est... Pour vous donner une idée, le CAP brasseur a disparu en 83, hein, donc parce qu'il n'y avait plus de brasserie artisanale en France. Et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on pousse, qu'il faut qu'on arrive avec à développer. Avec les sœurs que connaît le secteur en ce moment, c'est justement peut-être l'opportunité mais à saisir. Exactement, et c'est ça vraiment, et se mettre à plusieurs qui partagent des mêmes valeurs, une même vision, une même vision politique. Hein. Fondamentalement, c'est de la politique ce qu'on fait, quoi, pour se mettre d'accord et s'engager collectivement, du coup, pour pouvoir transformer le secteur. Quoi. Ouais, sur la question que tu abordes, je pense que nous, je vais remettre le focus là-dessus, la question d'éducation, mais d'éducation des enfants, mais des adultes aussi, parce que j'en parlais avec ma collègue maraîchère il n'y a pas très longtemps, elle me disait aussi, les gens veulent consommer des légumes qui ne poussent pas en cette saison. Donc à un moment donné, on nous met dans des défis qui sont juste irréalisables. Et on doit s'adapter déjà actuellement au changement climatique, et donc à comment on fait pousser des choses avec un climat qui est presque imprévisible aujourd'hui. Donc à un moment donné, je pense qu'aussi c'est les consommateurs, les citoyens, les citoyennes et les agriculteurs. En fait, c'est toute une boucle et tous ensemble, on doit prendre conscience qu'on doit s'adapter et que bah, va falloir manger local, va falloir manger de saison et va falloir accepter qu'on ne peut plus avoir accès à ce qu'on avait peut-être accès il y a encore 5, 10, 15 ans. Quoi. Mmh. Merci beaucoup en tout cas. On a tenté un peu hein, d'aborder et de balayer un peu l'ensemble des points et des enjeux sur ces questions-là. On va peut-être terminer en, si vous le souhaitez, le public ici présent, poser une ou deux questions aux intervenants, aux personnes en tout cas présentes. Vous n'hésitez pas. Oui, il y a une question ici. On va vous adresser un micro parce qu'on est en radio et donc forcément le volet audio est nécessaire et important. Bonjour. Bonjour, je vous entendais parler d'éducation auprès des adultes et j'ai personnellement l'impression qu'on a besoin d'être éduqué sur le prix des choses. Il y a des Lidl, des Aldi, Il y a des petits producteurs locaux. On ne sait plus ce que valent vraiment les choses. Les gens sont perdus avec tout ça. On retrouve dans les ronds-points des paysans qui n'ont plus de quoi manger, avec des gens qui veulent que des prix bas dans le même rond-point. Et il faut peut-être trouver le juste milieu pour que tout le monde puisse s'en sortir. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de réapprendre le prix des choses. Ouais, et de la justesse. Perdu. Effectivement, c'est une très bonne question. C'est celle que je tentais un petit peu tout à l'heure de poser aussi sur le côté certification bio qui jouait sur la qualité du produit, mais qui pouvait aussi peut-être impacter le produit ensuite en distribution, mais qui parfois n'est pas forcément dans le juste prix. Et c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui entre... Il y aura une table ronde sur la question de l'alimentation de qualité, mais entre le côté qualitatif et en même temps la valeur aussi, hein, finalement, du produit. C'est dans la conjoncture aussi qu'on connaît, hein, c'est-à-dire dans aussi un peu ces difficultés économiques que connaissent aussi bon nombre de foyers, quoi, finalement. Et c'est très important, en fait, de payer le producteur au vrai prix aussi, qu'il puisse vivre. Et la rétribution. Et donc, forcément, y a un coût. Quand il y a un revenu. Exactement. Mais en tout cas... sur le cacao, moi je me suis vraiment engagé auprès d'acteurs qui vraiment les payaient de la meilleure manière possible. Et moi je n'ai jamais négocié de prix sur le cacao, sur les fèves de cacao, parce que je sais que derrière il y a des hommes qui sont déjà dans des situations qui ne sont toujours pas très simples, et je sais qu'il y a déjà un enjeu de dire on va les payer au bon prix. Et moi déjà rien que ça, quand je suis au Pérou et que j'ai rencontré des coopératives, ils m'ont pas accueilli avec des machettes. Ils étaient très contents de me voir, de pouvoir échanger, parce qu'ils savaient que justement je faisais partie des acteurs qui acceptaient que de payer plus cher pour justement qu'ils aient une vie sociale et économique plus peut-être viable. Que là, il y a une filière aussi commerce équitable qui est plutôt bien installée, oui. Et qui est, je veux dire, très opérationnelle quand même, voilà. qui cadre bien les choses. Exactement. SPP en fait partie. Alors, voilà. Bien sûr, on connaît tous Max Havelaar, mais il y a eu des côtés un peu pervers de Max Havelaar, comme toute structure qui devient trop grosse. C'est vrai. Mais je trouve que d'un point de vue, ça pèse encore pas assez lourd pour justement encore avoir une vraie capacité de faire vivre ce milieu. Il y a une loi sur la déforestation qui est constamment repoussée. Et les acteurs, quand on leur pose la question, je l'ai fait, ils disent « mais moi je suis prêt ». Je dis « vous êtes tous prêts, mais personne ne veut la faire passer cette loi, c'est quand même étrange ». Donc il y a tous des environnements, des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux qui sont complexes. On ne pourra pas faire ça, comme disait Pablo Servigne, l'effondrement ne se fait pas en un jour, c'est très long. Le changement est en cours et moi je suis à cœur de me dire « allons-y ensemble » et ça arrivera forcément à un moment donné. Mais d'un point de vue humain, on a l'impression que ça n'avance pas assez vite. Voilà, juste toi, tu arrives à te tirer un revenu décent ? Ouais, alors je roule pas en Tesla et c'est vraiment loin d'être le cas. Et tu dois aussi diversifier peut-être tes activités. Ouais, voilà, j'ai une activité diverse de cours de cuisine et tout qui me permet qui me permet de me sortir un petit salaire. Alors je suis pas malheureux, mais c'est vrai que ça, par rapport au temps passé, avant-hier, j'ai fait 18 heures dans la journée. Donc, Juste par rapport à ce que disait madame. Sur la rééducation. Sur la rééducation, ouais, nous, c'est des gros enjeux qu'on porte au sein du réseau Cocagne. Jeudi, j'ai participé aux journées régionales de l'alimentation. Donc, on n'était que entre éducateurs à l'alimentation et éducatrices à l'alimentation du réseau Cocagne, de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a deux projets sur lesquels je voudrais faire un petit focus et un clin d'œil au jardin qui les porte. Il y a le jardin Terre de Liens en Savoie, qui est porteur d'un projet sur lequel on va tous s'engager en région Rhône-Alpes. C'est de former ce qu'on appelle des ambassadeurs et des ambassadrices du bien-vivre alimentaire. L'idée, c'est de former des citoyens et des citoyennes à pouvoir animer des ateliers cuisine, mais aussi à véhiculer les bonnes pratiques, comment bien s'alimenter, mais aussi comment s'alimenter bon, à juste prix, en bien rémunérant les agriculteurs, les producteurs locaux, etc. Et l'autre petit clin d'œil que je voulais faire, c'est le jardin Parenthèse du côté de Valence, qui, avec une autre association, se sont rassemblés, ont monté un tiers-lieu nourricier, et à l'intérieur duquel ils organisent un marché à prix différencié. Donc ils ont mis trois prix pour les consommateurs et les clients de ce marché-là. Ils sont en plein centre-ville de Valence, il y a un prix rémunérateur, c'est le prix qu'ils estiment être juste pour pouvoir rémunérer les agriculteurs. Il y a un plus 30%. En gros, ils proposent à leurs clients, si à la fin du mois, il vous reste au moins 900 euros, une fois que vous avez toutes vos charges fixes qui sont payées, etc., c'est 900 euros de plus, payez s'il vous plaît les plus 30% et moins 25% s'il vous reste moins de 500 euros de reste à vivre. Et ils ne demandent pas de justificatif, les gens, ils font confiance. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec le temps, ils ont un petit peu plus qui tombe dans les caisses que juste le prix rémunérateur. Ce plus, ils le mettent dans une caisse commune. Et quand parfois ils font des marchés où il y a des gens plus en grande précarité qui viennent et que du coup ils se retrouvent avec un peu moins, c'est la caisse commune, le pot commun qui réalimente pour que les agriculteurs ils aient toujours leur prix rémunérateur. Donc il existe des initiatives qui permettent de pallier à la fois aux questions de précarité, aux questions de juste prix des rémunérateurs et en même temps de bien se nourrir localement avec des producteurs en bio, local et respectueux de l'environnement. Aurélien, tu voulais toi répondre aussi rapidement non, sur c'est ce point. C'est une initiative qui est hyper inspirante, c'est magnifique. Mais je pense que du coup, enfin, ce que vous disiez est juste et la pédagogie est nécessaire et ça revient du coup à ce que tu disais aussi. Alors moi, il y a deux exemples là, qui me viennent en tête, mais de la ferme au quartier et Biocop. Je trouve qu'ils communiquent vachement bien du coup quand ils disent bah voilà, quand vous payez tant, il y a tant pour le producteur, tant de TVA, tant pour le magasin, etc. Et je trouve que ça a du sens et ça paraît pas complètement déconnant que tous et toutes, on se mette à se dire, bah voilà, on va expliquer nos tarifs aux consommateurs et aux consommatrices. Et par ailleurs, cette transparence permet aussi de voir quand il y a quelque chose qui est un peu déconnant justement dans le tarif, en fait. Donc c'est très juste, ouais, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. On va terminer sur ces dernières interventions. Merci à vous. Merci à toi. On va juste rappeler quand même les Gueules d'Orge situées à Saint-Étienne, 8 boulevard Albert 1er, lesgueulesd'orge.fr pour le site dédié, oasis.bio, me semble-t-il, pour le site internet également situé à Saint-Just-Sarrembert, 19 chemin des Muas, si vous voulez visiter le site parce qu'il est aussi ouvert au public. Avec plaisir, je vous accueille. Donc n'hésitez pas. Et Fred et la chocolaterie qui est un peu plus loin géographiquement, mais si vous souhaitez aller dans le Beaujolais, pourquoi pas. C'est aussi la période hein, du nouveau Beaujolais, qui paraît-il est un grand cru. Il paraît. Bref, ça c'est une autre question. C'est le Péréon 16 impasse du Bourg, mais Fred et la chocolaterie. Non, Fred, oui, Fred et la chocolaterie.fr, c'est le site dédié tout accroché tout en minuscule pour avoir toutes ces infos. En tout cas, félicitations à vous. On vous souhaite une bonne continuation, malgré parfois vos jeunes entreprises. On sait que c'est loin d'être évident dans le aussi contexte actuel. Et surtout, vous avez une façon de vous projeter dans. Ce qui me semble être aussi un grand enjeu, un grand défi, peut-être aussi une difficulté, mais c'est celle de l'aborder de façon très générale justement, c'est-à-dire avec cette vision très large et vraiment de bout en bout quoi, finalement, mais qui est aussi un peu multicasquette, multitâche et qui est parfois loin d'être évident quoi. Merci en tout cas à vous. Merci. Et force.